Activités 10 et 11. 1. 2,50€ la barquette de fraises. Cadeau la fraise. 3 barquettes, 5€. À qui le tour? À moi. Bonjour, vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oh oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes. Des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Oh, très bien. 1 livre, s'il vous plaît. Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir. Ils ne sont pas du tout mûrs. Oh, alors il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2€ pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai, il est très parfumé, ce melon. J'en prends 2 pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes. Alors, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre. Deux. C'est à qui le tour? À moi. Vous n'avez pas de saumon? Je n'en vois pas. Ah, désolé, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. Oh, zut! Qu'est-ce que vous avez comme poisson facile à préparer? Il me reste du cabillaud. Sans arête. Super frais. Bon. Alors, 4 filets de cabillaud. Voilà. Et avec ceci? Des crevettes. Ah, non, pas de crevettes. J'ai changé mon menu. J'ai changé presque tout mon menu. Vous savez, à la fin du marché, on ne trouve pas tout.